On a tous en nous tant de remises en question. Vais-je tenir debout les conséquences de nos actions? Il m'arrive parfois de douter de mes choix. Ne m'ont-ils pas poussé à finir par regretter? Non, si je suis comme ça, c'est que c'était écrit. Et pour rien au monde, je n'échangerai ma vie. Toutes ces épreuves dures à traverser ont éduqué ma jeunesse pendant des années. Je ne veux surtout pas que vous croyiez, je n'essaye pas de me lamenter. Je suis fort même si la merde est aimantée. Chacun a sa bête noire, un sale reflet dans le miroir. Une sale histoire qui vient ronger, salir ta mémoire. On le gère à sa façon, de toute façon. On ne peut rien y faire si ce n'est passer un coup de savon. Chaque acte a ses conséquences, bien sûr que j'y pense. Bien sûr je pense aux douloureux souvenirs de mon enfance. Le passé forge le futur, fait ressortir quelques ratures. C'est derrière nous que se trouve le plus dur. Avec ces quelques métaphores, je trouve du réconfort. Me renferme dans la musique pour ne pas perdre le nord.